vous répondez ça parce qu'il y a des gens qui me viennent toujours puis qui me disent. Ils me disent. Ils me parlent, mais je peux pas me fier aux autres. Fait que s'ils me parlent, je peux me fier aux autres, quoi ça sert? Le fait que vous pouvez pas vous fier aux autres, ça sert. C'est le fait que vous pouvez pas vous fier aux autres qui est important. C'est la même chose qu'une pensée qui te vient. Ouais, mais non, c'est différent. Parce que quand c'est une pensée qui te vient, une pensée, c'est pas de la communication, c'est une pensée, c'est subjectif. Une pensée, c'est toujours coloré par ton émotionnel. Tandis que le contact, c'est pas coloré par ton émotionnel, c'est le contact. Mais en passant dans ton système, là, il se colore. Fait que tu perds conscience du contact. Tandis qu'une pensée, ça peut arriver n'importe quand. Il y a toujours de la pensée. Mais vous êtes pas assez vite dans votre esprit pour saisir votre pensée au vol. Puis la décodifier tout de suite. Elle passe, là, puis ça devient une pensée pour vous autres. Si vous étiez conscient, ça ne serait pas une pensée qui se passerait dans votre tête. Ça serait de l'information. Mais pour que ça soit de l'information, il faut que ça serve à quelque chose. Si ça sert pas à quelque chose, à ce moment-là, ça devient de la pensée. De la pensée, c'est de l'information qui ne sert pas. Qui sert sur le plan humain à vous emmerder. Elle vient de vous, nous autres. Mais elle est colorée quand elle descend dans la... Quand elle passe par l'astral, elle est colorée. C'est, la pensée subjective, c'est la coloration astrale de la pensée cosmique. La pensée, c'est une vibration. Ce que les autres ont c'est juste un harmonieux. La pensée, le phénomène de la pensée et le mouvement de la lumière dans le corps mental. Mais votre émotion couleure toujours votre pensée. Alors, selon votre état émotif, vous avez toujours les pensées. Vous avez toujours les pensées de votre émotion. Toujours. Si je regarde ses pensées à lui, si je regarde les pensées de lui, c'est deux pensées différentes. Lui, ses pensées sont toujours ternies, ses pensées. Ils sont jaune, ses pensées. Ils sont toujours ternies par une autre couleur. De sorte que lui, ça crée dans son esprit à lui, dans son expérience de pensée, ça crée toujours une diminution de son intelligence. Ce qui amène une diminution de son pouvoir de se réaliser parfaitement dans son intelligence. Il a toujours eu de la misère, lui, à pouvoir réellement... Il a toujours eu de la misère à pouvoir se voir à sa juste grandeur. Puis c'est... Je peux pas dire ses valeurs, parce que ça marche pas de même. Mais... C'est plat. Parce qu'il est très intelligent. Mais je suis obligé de dire qu'il est très intelligent. Par lui-même, il peut pas se réaliser comme très intelligent. À cause du fait que la pensée, quand ça passe, quand ça descend dans son mental, est toujours ternie par l'émotion. Les gens ont toutes des pensées cosmiques, mais suivant leur émotion, la pensée est ternie. Comme elle, ça c'est un exemple, c'est un bon exemple, en contradiction avec lui. Elle, c'est l'opposé. Elle peut se croire plus intelligente qu'elle est. Écoutez bien ça, c'est bien subtil. C'est pas un affront que je fasse à la personnalité, parce que c'est au niveau de l'énergie. C'est pas une affaire d'orgueil. Elle va avoir tendance à se voir comme plus intelligente qu'elle est, non pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle n'est pas capable de purifier sa pensée quand elle vient. Parce que dans sa pensée, il y a suffisamment d'énergie émotionnelle qui va faire que sa pensée, quand elle va descendre, son énergie émotionnelle, elle va l'accélérer dans son mouvement de descente au lieu qu'elle reste site. Parce qu'elle a besoin d'être nourrie. Elle, c'est une femme qui se nourrit tout le temps. D'ailleurs, si une personne mentale, c'est bien elle. Elle se nourrit tout le temps, elle mentale. Mais elle se nourrit, elle a besoin tellement de nourriture mentale qu'elle va s'accrocher à ce qu'elle reçoit et elle va automatiquement mettre de l'émotion dans ce qu'elle reçoit. C'est ça qui fait qu'elle va voir ou se sentir plus intelligente qu'elle est, non pas parce qu'elle n'est pas intelligente, ou non pas parce qu'elle est encore plus intelligente que ce qu'elle pense qu'elle est, mais parce qu'elle n'aura pas la capacité encore de raffiner son intelligence, de voir le pour et le contre de tout ce qu'elle reçoit dans son mental. Elle doit en arriver à voir le pour et le contre de ce qu'elle reçoit dans son mental. Elle ne fait pas ça. Elle reçoit dans son mental, elle paraît ça. Avec le temps, on arrive un petit peu plus à voir le pour et le contre. Puis quand on arrive à voir le pour et le contre de ton intelligence, tu n'es plus intéressé à ton intelligence. À ce moment-là, là, elle va devenir réellement intelligente. Et c'est le mouvement opposé du sien. Je dis que ça se colore quand ça traverse l'astral. Ça se colore par nos vibrations émotionnelles, notre émotion, notre émotivité, ça se colore. Mais au niveau du corps astral? L'émotion se situe au niveau du corps astral, puis c'est par le biais du corps astral que notre pensée est colorée. Si votre pensée n'est pas colorée, vous autres, j'aurais pas besoin de vous parler. Moi, je parle toujours pour ajuster vos pensées. Comme il y en a des gens parmi vous autres qui savent, qui sentent, qui intuitent depuis très longtemps. Puis moi, quand je vous parle, j'ajuste ce que vous recevez comme information. Je modifie ce que vous recevez comme information en vous faisant réaliser l'importance de déémotifier votre pensée. D'unir l'émotion dans votre pensée. Mais ça, c'est avec le temps que ça se fait, la démotification de la pensée. La pensée, c'est pas ce qu'on pense que c'est. La pensée, c'est un couloir. La pensée, là, c'est comme un couloir. C'est un couloir de lumière. Puis c'est un couloir de lumière, là, il est toujours plein. Plus il est plein, puis plus vous êtes émotif, plus vous êtes sujet à penser. Moins vous êtes émotif, même s'il est plein, vous n'êtes pas sujet à penser, mais vous êtes sujet à connaître. Pas ce que vous comprenez ce que vous dites. Il y a des fois... Il est toujours plein. OK? Il est toujours plein. Si vous avez de l'émotion, ça crée la condition d'être sujet à penser. Si vous avez de moins en moins d'émotion, ça élimine la condition d'être sujet à penser. De sorte qu'à ce moment-là, au lieu de penser, vous recevez de l'information, ce que j'appelle moi le contact. Il y a des fois là, que t'es couché, là, puis t'as la tête pleine d'idées. Ouais. T'es couché, t'es tranquille, il n'y a pas d'émotion là. Ah oui, oui, il y en a d'émotion. Il y en a d'émotion. Tu vis pas une situation émotionnelle, mais ton corps émotionnel est là. Ton corps astral est là pareil. Il y a des fois qu'il y a... T'as pas de pensée, donc c'est pas vite, mais il n'y a pas de pensée, que des fois on dirait que t'as la tête pleine, ça sort de partout, c'est comme des verres de terre. Ouais, bon. Bon, ok, moi te l'expliquer ça. La raison qui fait que des fois vous pensez, puis des fois que vous pensez pas, c'est que quand vous pensez pas, c'est que eux autres activent pas l'énergie. Mais s'ils activent l'énergie, l'énergie elle vous fait penser. S'il n'active pas l'énergie pour vous faire poser, par exemple, à ce moment-là, en n'activant pas l'énergie, ça ne vous fait pas penser, vous ne pouvez pas penser. Mais il faut que vous en arriviez à ce que même s'il active l'énergie, vous ne puissiez pas penser pour pouvoir parler. Comme moi, mon énergie là, est toujours activée, mon énergie. Mais je n'ai pas d'émotion, fait que ça me permet de parler. S'il n'active pas mon énergie, ben là, je ne peux plus parler. Mais si j'avais de l'émotion puis activais mon énergie, mais il ferait toujours après la pensée. Vous autres, quand vous pensez pas, c'est parce qu'il arrête d'activer votre énergie, fait que vous pensez pas. Mais vous pensez pas, mais vous savez pas non plus. Tu dois être capable de pas penser puis savoir en même temps. Tu regardes le mur, là. Tu regardes le mur, fait que tu penses pas, il n'y a rien qui se passe dans ta tête, mais ton esprit commence à fonctionner, il continue à fonctionner. Moi, je regarde le mur, je pense pas, mais si je veux savoir quelque chose, j'ai qu'à continuer à regarder le mur. L'énergie, elle marche tout le temps. Parce qu'on n'a pas besoin de penser pour savoir. Ça, tu veux dire quand tu parles dans l'esprit? Dans l'esprit. Tu tournes ton regard vers quelque chose, tu le sais. Tu retournes ton regard vers d'autres choses, puis tu le sais. Mais tu n'es pas toujours pour tourner ton regard, puis tourner ton regard. Tu es toujours dans l'esprit. Il faut toujours être dans l'esprit. Mais tu ne peux pas être toujours dans l'esprit si tu penses. Parce que penser, c'est anti-esprit. Communiquer avec l'esprit, c'est un mouvement d'esprit. T'as ton esprit à leur esprit. Mais penser, c'est anti-esprit. Puis ça devient problématique pour l'homme de penser, parce que plus l'homme pense, plus il veut dominer la nature de sa pensée. Ce qui l'amène à dominer la nature de l'information de la pensée, ce qui l'amène à vouloir dominer la nature de sa vie, ce qui l'amène à vouloir dominer tout. Tu ne peux pas dominer tout. Tu dois contrôler tout. Dominer quelque chose, puis contrôler quelque chose, c'est pas pareil. Moi, je domine rien dans ma vie, mais je contrôle tout dans ma vie. Mais l'ego, lui, veut dominer. Puis c'est là son erreur. Je prends l'exemple de Bird. J'appelle Bird, je ne sais pas son nom. J'appelle tout Bird un nom. Lui, il fait la plongée sous-marine. Il descend dans l'eau. Il peut contrôler son mouvement pour aller en surface, mais il ne peut pas dominer tous les éléments qui l'amènent là. Il y a la pression, puis il faut qu'il respecte la pression, puis il faut ainsi de suite. Mais il peut contrôler les mouvements qui l'amènent vers la surface. Le gars, lui, qui n'a pas l'expérience, puis qui va aller là-dedans, il va vouloir dominer la situation, il va paniquer, il va péter. Parce qu'il veut dominer. Il faut pas dominer. Contrôler. Puis contrôler une situation, c'est toujours la ramener au mental, dans le cas de l'esprit. C'est toujours la ramener au mental. Quelqu'un arrive, puis il te prend par surprise, puis il dit... Ça route. Puis il dit... Tu conduis comme un maudit sans dessin. Mais tu peux pas dominer la situation tout de suite. Faut que tu aies contrôle de la situation. Fait que tu es obligé d'attendre, de savoir qu'est-ce que tu as fait. Lui, il va te dire qu'est-ce que tu as fait. Fait qu'en disant qu'est-ce que tu as fait, à ce moment-là, tu comprends pourquoi ce que lui t'engueule. Fait que tu finis pas d'une bataille, tu t'excuses, tu as peut-être fait une erreur, tu étais distrait, whatever. Mais si tu veux dominer la situation, mais là, tu vas finir par une bataille. Faut qu'on mentalise l'énergie. Mais aussitôt que les gens se font apostrophés, ils veulent donner un coup de poing signé au gars. Ils veulent dominer la situation. Faut la contrôler, la situation. La situation, on la contrôle toujours par nous-mêmes. C'est toujours par nous-mêmes qu'on contrôle l'extérieur. C'est jamais la domination de l'extérieur. C'est toujours par nous-mêmes. T'es un sans dessin. Ah ben, là, quand je te dis ça, faut que tu amènes l'énergie que je te donne, puis tu l'amènes au mental, puis t'arrêtes quelque part, c'est... Peut-être que je vais dire quelque chose. Peut-être que je vais dire quelque chose quand je te dis ça. Peut-être que j'ai raison. Peut-être que j'ai pas raison. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Mais si tu me donnes un coup de poing sur la gueule, tu comprendras jamais pourquoi je t'ai dit que t'étais sans dessin. Fait que là, tu vas avoir dominé la situation, mais tu vas rester sous l'impression que je t'ai dit, puis là, ça va te rester dans ta tête pendant des années de temps. Tu comprends ce que je dis? En savant un coup de poing, tu vas comprendre pourquoi il t'avait donné. Lui, s'il me donnait un coup de poing, je mentaliserais le coup de poing. J'attendrais. Puis en contrôlant l'énergie, à ce moment-là, je l'amènerais peut-être à ce qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'il m'a donné un coup de poing. Je l'amènerais à ce qu'il m'explique une bonne raison de m'avoir donné un coup de poing. Puis s'il me donnait une bonne raison, pourquoi est-ce qu'il m'a donné un coup de poing? Puis moi, j'étais intelligent, il m'a dit, t'avais raison. C'est vibratoire. T'as encore une chance. Hein? J'ai encore une chance. C'est dur, hein? C'est bien subtil ce que je vous dis, là. C'est pas rationalisé? Non. C'est pas rationalisé. C'est mentaliser les situations. Tu l'amènes au mental, tu sautes pas. Sans ça, tu agis tout de suite au niveau astral, au niveau de ton émotion. Tu peux pas agir au niveau de ton émotion tout de suite. Faut que t'attendes. Il dit qu'un homme devra toujours attendre quelques moments quand tu te fais donner un choc de l'extérieur. Toujours quelques moments. Jamais agir tout de suite dessus. Attendre quelques moments. Parce qu'il dit que les hommes, quand les gens font un mouvement, ils ont toujours une raison derrière le mouvement. Toi, tu ne te connais pas parce que c'est toi qui subis le choc. Mais si tu attends quelques minutes, tu vois que le gars, il avait une raison qui peut être très précise pourquoi est-ce qu'il a fait tel mouvement envers toi. Peut-être qu'il n'avait pas raison non plus. Mais à ce moment-là, tu vois que même s'il n'avait pas raison, il pensait à lui qu'il avait raison. Fait que là, tu rebalances la situation. S'il réagit de suite, c'est surtout d'émotion. C'est ça. Si j'avais pas attendu, j'aurais donné un coup de poing tout de suite. Et comme je savais qu'il voulait dire quelque chose, j'ai attendu. Ouais. Bon, mais dans la vie, c'est la même chose. On devrait attendre un petit peu pour voir qu'est-ce que c'est la raison derrière. Faut pas qu'on domine. Faut qu'on contrôle. Puis on peut pas contrôler l'extérieur parce qu'on domine. Faut qu'on contrôle intérieurement. Toujours contrôler intérieurement. Puis il dit que c'est bien tough, ça, contrôler intérieurement. Parce qu'il dit que notre ego est tellement orgueilleux, notre ego, qu'il veut se revenger tout de suite. Puis un ego qui se revenge, c'est un ego qui perd de son pouvoir de mentation. Un ego devra jamais se revenger. Parce que si tu vis l'expérience, il y a une raison. Si tu te revenges pas, tu transmutes ton ego en esprit. Moi, je m'ai déjà fait donner un coup de poing sur la gueule. J'ai tombé sur la tête à terre. Sans connaissance, mais conscient sans connaissance. Je sais pas si ça comprend ça. En tout cas. J'étais conscient, tu pouvais pas me relever, en tout cas. J'ai dit à Jojo, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? T'es bien sans dessin. Il dit, y'a rien là. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Il dit, reste là. Puis il a fini, je reste là. Ça veut dire que mon ego, lui, il est à terre. Puis j'avais pas le pouvoir de me relever, puis peut-être donner une taloche au gars. Fallait que, je reste là. Fait que tu comprends que l'ego, il brise. Ça fait un travail sur l'ego. Il dit, si je m'étais relevé comme un spring, si j'avais gagné la bataille, j'aurais rien gagné. Mais en perdant la bataille, j'ai gagné quelque chose. Parce que j'ai contrôlé l'énergie émotionnelle. Mais il dit qu'on fait tout à l'envers. Aussitôt qu'on tombe à terre, on veut se relever de bout puis t'approcher l'autre. Vous l'avez t'approché avant qu'il nous t'approche. Il dit, c'est pas mauvais qu'on le t'approche avant qu'il nous t'approche. Mais dans les conditions de l'initiation, on a des choses à apprendre des fois, puis il dit ça, ça l'est une. T'apprends bien plus à terre que de bout. Surtout pour un homme. Je t'ai dit qu'on est des pèteux. Puis il écrit toute pièce les situations. Il y a un qui te mettre un gaucho devant toi, j'ose. Puis. Il écrit toute pièce, puis on se fait pogner dans le jeu tout le temps. On se fait tout pogner dans le jeu. On n'est pas capable de voir qu'ils t'ont mis le gars sur ta route pour faire l'expérience. Puis après ça, ben, si on se retrouve à terre, ben là, on souffre parce qu'on dit maudit que je te. Que je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent les armes quand ils se font passer à la gueule? Ouais. S'ils sont orgueilleux, ils peuvent dire d'autres choses. Ça dit pas, ça dit. On doit en arriver à apprendre de toutes nos expériences. Il dit que nos pensées ne nous appartiennent pas. C'est pas de nos affaires, nos pensées. Nos pensées ne nous appartiennent pas et on ne doit pas faire de nos pensées nos affaires. Ah, mais des fois, des chevilles, des pensées, puis c'est bon. Il t'arrive quelque chose de pareil. C'est impossible de suivre ses pensées. Quand il y a une idée dans la tête, tu as su que ça se réalise, ça marche. Non. C'est pas la pensée que tu suis. C'est l'énergie de la pensée. Ah bon. À ce moment-là, ça devient de l'information. Non? Un exemple, on me donne une idée, un truc, puis il essaye, ça marche. M'a donné une preuve, m'a offert une preuve pour tout le monde. S'il y en a un qui peut m'arriver un jour, là, puis me dire, là, qu'il a pensé qu'il va aller chez Eaton. Il a pensé, là, dans sa tête, là, aller chez Eaton. Comment est-ce qu'on pense, ça? Moi, je suis pas capable, là. En tout cas, si vous savez ce que je veux dire. Un gars qui pense dans sa tête, là, qu'il va aller chez Eaton, mais je vous garantis que vous irez pas chez Eaton. C'est là, hier. Quand vous allez aller chez Eaton, c'est parce qu'il va vous passer un courant d'énergie qui va vous faire dire à votre femme ou tacitement que vous avez le goût d'aller chez Eaton. c'est par le goût que vous allez aller chez Eaton. C'est pas par la pensée. C'est subtil ce que je dis là, là. Bien subtil. Si jamais tu penses que tu vas aller chez Eaton, tu n'iras pas chez Eaton. Tu vas aller chez Morgan. Mais regarde ce qui te fait aller chez Eaton, tu vas voir que c'est un mouvement. Tu y vas automatiquement chez Eaton, comme quand tu vas faire pipi. C'est mécanique. Tu ne penseras pas d'aller chez Eaton. Faites-en l'expérience, vous allez voir que vos pensées ne coïncident jamais avec votre expérience réelle. Des pensées, je parle. Je ne parle pas des goûts qui sont la manifestation de la vibration de leur volonté à travers. Mais fais-toi dire dans ta tête que tu vas aller chez Eaton l'après-midi et tu vas voir que tu n'iras pas chez Eaton. Tu vas aller chez Morgan. Tu vas aller chez Simpson. Tu vas aller à Bonneville. Mais tu vas arriver en retard chez Eaton. Magnin va être en retard. Quand vous allez faire cette expérience-là, vous allez, c'est là que vous allez comprendre quand je dis que tu en arrives à un point tu ne peux pas planifier ta vie. Mais on pense, nous autres, qu'on la planifie parce qu'on mélange nos goûts avec nos pensées, puis nos goûts ne sont pas nos pensées, nos goûts sont des impulsions, puis nos pensées sont de l'information, qui servent simplement à nous faire amorcer un mouvement pour en faire un autre après. Fait que s'ils veulent que toi, t'ailles chez Eaton, puis ils savent que tu vas rencontrer ta belle-mère au coin de l'université puis Sainte-Catherine, ils vont pas te dire à toi que tu vas rencontrer ta belle-mère au coin de l'université Sainte-Catherine parce que tu la rencontreras pas. Tu iras pas. Mais si ils disent que tu vas aller chez Eaton, à ce moment-là, tu vas voir que c'est pour rencontrer ta belle-mère. C'était ça le but. Là, tu t'es fait engueuler au coin de la rue et tu étais en maudit. C'est quoi la différence dans le mental, la pensée du goût? Si je pense. Il y a une très grande différence. Tu penses d'aller marcher des mandalons chez Eaton? Le goût, ça t'appartient. La pensée ne t'appartient pas. Mais là, je ne veux plus mettre le goût là-dedans. C'est celui qui va vouloir. Il va se laisser comme un poisson. C'est bien qu'il a. C'est quoi, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il faut que je m'en aille, il ne faut pas m'en aller à pied. J'attends. Quelle drogue que t'as pris? Tu as voulu sans doute. Mais tu ne l'as pas dit? Non. Ah. L'action. C'est pas dans la pensée. Le goût, ce que tu appelles le goût, c'est la loi d'action. C'est pas la loi de la pensée. Ça, c'est la preuve, ça. Ça, c'est un exemple de ce que je veux dire. Parce que s'il dit, ben, prends ce truc-là, s'il dit, prends ce truc-là, puis t'as un flat, ils peuvent te le dire, prends ce truc-là, puis c'est ça. C'est ça. Parce que quand tu tombes sous la loi de la pensée, tu tombes sous la loi d'une raison, derrière la pensée. Tandis que quand tu tombes sous la loi de l'action, tu ne tombes pas sous la loi d'une raison derrière. De sorte que tu es toujours libre dans ton mouvement. Ton mouvement est toujours plus sécuritaire. J'avais pris l'autre trappe, ça allait. Ça n'existe pas des si. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée, ça. Mais admettons qu'il y a l'information, tu prends ce camion-là, okay, il attendait l'information, puis là, il prend l'autre, il peut pas? Oui, s'il fait, c'est bon. Ah, mais c'est là qu'il a volonté, ouais. Ouais. Parce que lui, il doit être suffisamment capable de décodifier la nature de l'intelligence pour renforcer son action et détruire le doute de son action. Puis souvent, ils vont le faire pour cette raison-là. Ils vont t'amener à faire un mouvement qui est contraire à celui que eux autres te disent pour renforcer ta volonté puis pour détruire en toi le doute. Parce que si tu supportes tout le temps puis dis prends ce truc-là puis prends l'avion à telle heure demain matin, puis à ce moment-là, il te donne de l'information, mais il t'empêche d'agir sous ta propre destinée. m'avait répondu cette fois-là, une autre affaire semblable à ça, là. Il dit tu fais de la résistance, tu sais, parce que là, il m'avait dit non, je vais faire de la résistance. Je fais d'autres choses à l'opposé, juste à l'inverse. Il dit tu fais de la résistance, tu appliques la volonté de résistance. Il dit tant que tu vas faire ça, là, ça marchera pas. Il t'en laisse tomber ta volonté. Comment tu as réagi, toi? Ouais, mais c'est à toi à le savoir qu'ils sont en train de te bluffer. C'est ça que je dis. Puis tu peux t'aider dans cette phase-là. Là. C'est ça que je dis. Faut que vous en arriviez à pouvoir réaliser que tout ce que vous faites, c'est correct. Qu'ils veulent pas, ça n'a pas d'importance parce qu'ils veulent tout le temps. C'est un jeu qui joue avec nous autres pour nous miner dans notre volonté, pour qu'on la développe, pour éliminer notre doute, pour qu'on l'abolisse complètement le doute. Moi, si je t'aide tout le temps, je te dis Bird, fais ça, ben, tu vas toujours être dans mes crochets, tu seras jamais dans ton énergie. Bon, mais c'est la même chose avec eux autres. Tu vas toujours être dans le crochet psychologique de ta pensée avec eux autres, de ta communication avec eux autres. Tu ne pourras jamais rien faire par toi-même, alors tu ne renforceras jamais en toi, le domaine de ton esprit. Tu vas renforcer le domaine de ton ego parce qu'ils te disent, mais le domaine de ton esprit, tu le renforceras jamais. Fait que tu seras jamais autonome. Tu seras toujours un être spirituel qui les écoute à la lettre. Mais un jour, ils vont t'écœurer assez que tu les écouteras plus à la lettre. À ce moment-là, tu vas devenir autonome. C'est ça le but de ça. C'est la même chose pour les pensées que les autres ont dit que je fais. Les pensées négatives. On disait quelque chose, quelqu'un... OK, mais vous parlez des pensées négatives et des pensées positives, à ce moment. On va détruire d'autres phares. Moi, j'aime ça, détruire les phares. Faut que je m'assoie. Je vais m'asseoir en hauteur. D'abord, des pensées négatives, ça n'existe pas. Je commence un autre chapitre. Puis des pensées positives, ça n'existe pas. Les pensées sont rendues négatives par notre émotion, sont rendues positives par notre émotion. Une pensée, ça n'a aucune polarité. Mettez ça dans votre pipe. Puis quand tu commences à comprendre qu'une pensée, ça n'a aucune polarité, que ça n'a pas de positif, ça n'a pas de négatif, tu ne souffres jamais de ta pensée. Puis quand tu ne souffres plus de ta pensée, tu n'as plus besoin de penser. Mais tant que tu dois souffrir de ta pensée, tu as de la polarité dans ta pensée et tu souffres de ta pensée. Une pensée, ça n'a pas de polarité. Une pensée, c'est ni négatif en soi, ni positif en soi. C'est l'émotion qui lui donne la polarité positive ou négative. Quand tu es transmuté dans ton astral, la pensée positive dans ton mental, ça n'existe plus. Puis la pensée négative dans ton mental, ça n'existe plus. C'est ça que je dis, éventuellement, tu en arrives à réaliser que tu n'as pas de qualité et que tu n'as pas de défaut. Il y en a-tu qui comprennent ça? Voilà. Pourquoi il dit... faut que tu meurs à ton ego. Il dit, il faut que tu meurs. Tu sais, t'es prêt à tout perdre dans la vie, tu ne crasses à rien, là, juste toi-même. Là, ça. Tu l'as accepté, ça va bien. Mais il dit, à ce temps, tu acceptes d'être vide, d'être à rien, d'être ni bon, ni méchant. Tu sais, d'abord, plus être orgueilleux, plus être pénitieux, ça, t'es prêt à apprendre. Parce que tu sais que c'est des défauts pour ta part. Mais il faut plus que tu sois vide, il faut plus que tu sois rien, vide, mort, là, mais pogné dans ton corps à te promener en cours de tes travaux. Vide. Il faut que tu meurs, là. Mais là, tu meurs, là, ton ego, être vraiment rien, neutre, ce qui passe, là, c'est ce que tu veux, puis on se voit. Exact. Exactement. Tu ne peux pas mourir à ton ego tant que tu ne sors pas de la polarité de la pensée. Autrement dit, tant que l'émotion n'est pas transmutée. Parce que c'est l'émotion qui donne à l'ego sa résistance. Comme c'est l'absence de la pensée qui donne à l'ego son absence de résistance. Tu ne peux pas essayer. Ça fait partie de la transmutation de l'ego. Ben, c'est ça. Ben oui, effectivement. Comme lui, là, à côté de Denis Guy, je ne sais pas comment ça s'appelle. Lui, il était un bon bout de temps, qu'à ses propres yeux, c'était pas bon. Bon bout de temps. Mais pourquoi est-ce qu'il pensait que c'était pas bon? Parce qu'il n'y avait pas la contrepartie de cette pensée négative-là, qui est la pensée positive. Puis pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas la pensée positive? Parce qu'il n'y avait pas la connaissance, le sentiment intérieur qui est au-dessus du positif et du négatif. Fait que qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre une énergie en lui, ça engendre une énergie émotionnelle parce qu'il se nourrit de ça sans s'en percevoir. Puis la première chose que tu sais, c'est que le gars, il n'est pas vivable. C'est pas qu'il n'est pas vivable. C'est qu'il n'est pas vivable parce qu'il ne comprend pas comment est-ce que ça marche, l'illusion de ne pas être bon garçon. Lui, c'est son gars. Puis tu peux avoir le cas opposé d'une autre personne que lui, qui, lui ou elle, se pense comme étant un être spirituel, du bon monde. Puis dans les deux cas, c'est pas bon. Parce que dans les deux cas, c'est pas réel, anyway. C'est fondé sur une émotion quelconque. Puis l'émotion renforce la pensée de ça. Fait que ta personnalité, toi, se nourrit de ça, puis elle se nourrit de ça pendant des années de temps, Puis elle rentre en conflit avec une autre personnalité qui est totalement l'opposé. Fait que tu comprends qu'il y a des flemmes tout à l'heure. Juste une explication peut-être que je voudrais avoir. Il te fait mourir. Il dit même, voir, je m'attache un bras, tout ça. Tu t'en vis. Tu t'apprends à mourir, de toute façon, tu meurs, tu t'en fiches. Là, tu es supposé d'offrir une résistance, une volonté de résistance. T'aperçois que t'es mort. C'est rien, ni bon, ni mauvais, c'est plus rien. C'est vrai qu'il est vite, les autres qui ont ça. Ouais, mais faut que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Quand ils te bluffent comme ça, ça c'est de bluff. C'est pour créer en toi une vibration au niveau du corps émotionnel. Pour détruire l'émotion. Dans le fond, ils font pas ça. C'est un bluff. Le bluff sert psychologiquement à te faire réaliser d'abord leur pouvoir sur ta vie. Mais ce qu'ils se font réaliser comme pouvoir sur ta vie, c'est simplement un bluff. Ils ne sont pas intéressés à t'arracher un bras. C'est pour te créer une tension. Je suis indépendant. Non, au contraire, je suis indépendant. Tu sais, dans ce monde, je ne peux pas aller. Ouais, ouais, ouais. Ah, tellement, là. Ouais, ouais. Mais dans le fond, c'est pas ça. Regarde-les dans le fond. Écoute bien, mande-toi dans ta tête. Mande-toi ou mande-leur eux autres. Si. Mande-leur si c'est vrai. On va étudier la réponse. Mande-leur si c'est vrai que. Ils peuvent en prendre un bras s'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils te disent? Mandons si c'est vrai qu'il répondra à ma question à moi. Non. Tu cours. Tu vois? Ah. Toi, la différence entre ton intelligence et mon intelligence, c'est celle-ci. C'est que toi, tu vas prendre ce qu'il te donne. Tandis que moi, je ne prendrai pas ce qu'il me donne. Je vais prendre ce que je veux. Tu tombes dans la volonté. Au lieu de tomber dans la soumission à leur pouvoir sur ton esprit. Puis t'es dans cette phase-là, toi, là. T'es dans la phase où tu dois en arriver à neutraliser dans ton mental tout ce qui te casse les pieds en relation avec eux autres. Autrement dit, leur connerie, là, qui fait partie de leur travail jusqu'à temps que t'en arrives à comprendre des choses, faut que t'en arrives à détruire avoir leur connerie. Pour que tu rentres dans ton intelligence. Tant que tu ne verras pas leur connerie, tu ne rentreras pas dans ton intelligence. Tu vas être dans leur intelligence. Il faut que tu rentres dans ton intelligence. Ça, je vais en parler. Il y a deux sortes d'intelligence. Il y a une intelligence cosmique et une intelligence planétaire. Quand tu te conscientises, l'intelligence cosmique doit venir au secours de l'intelligence planétaire parce que l'intelligence planétaire est limitée par le fait qu'elle est conditionnée par une forme extrêmement dense. Mais quand t'es conscient, c'est rendu que je grandis. C'est pas par orgueil. C'est par vanité. Mais c'est pas par vanité. C'est par confort. C'est parce que je veux voir. Non, qu'est-ce que je disais? Ah oui. L'intelligence cosmique doit venir au secours de l'intelligence planétaire parce que l'intelligence planétaire est prisonnière d'un corps extrêmement dense. Mais l'intelligence cosmique ne peut pas venir au secours de l'intelligence planétaire tant que l'intelligence planétaire n'est pas capable de voir à travers l'intelligence cosmique. Elle se modifie par vibration. Au fur et à mesure que le corps émotionnel change et change et change. Quand que l'intelligence planétaire peut se servir de l'intelligence cosmique pour son propre bénéfice personnel, à ce moment-là, l'intelligence cosmique n'a plus besoin d'informer l'intelligence planétaire parce que par vibration, l'intelligence planétaire est suffisamment puissante pour détruire instantanément toute émotivité que peut susciter dans l'homme la vibration de l'intelligence cosmique. Ah, dans le cas de celui qu'on parle à soir, si tu te fais dire à ta tête que tu es le Christ, tu sais sabrement bien dans le fond de toi-même que tu n'es pas le Christ, tu devrais être capable, au niveau de ton intelligence planétaire, de neutraliser la vibration que dans l'émotionnel de l'intelligence cosmique. À ce moment-là, tu commences à être autosuffisant en intelligence. C'est tout ce que l'homme a besoin d'être, autosuffisant en intelligence. Parce que tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe dans la galaxie quelque part. Mais tu as besoin de savoir comment renier ta vie ici au maximum de ses possibilités pour ton maximum de bien-être personnel. Puis ça vient quand qu'on comprend que l'intelligence cosmique n'est pas là pour nous servir, mais que nous autres, on est là pour s'en servir. C'est là que les gens naturellement tombent dans la trappe au début quand ils se conscientisent. Parce que les gens, quand ils se conscientisent, sont spirituels. Là, le contact, le pal, papa. Ils n'ont pas compris encore qu'il faut qu'ils aillent plus loin que ça. Que c'est pas le contact qu'ils ont besoin. Que c'est le contrôle de leur intelligence, c'est-à-dire le contrôle de leur vibration, c'est-à-dire suffisamment de centricité pour dire « Oh, je m'en vais par là, je m'en vais par là. Je m'en vais par là, je m'en vais par là. Je m'en vais par là, je m'en vais par là. » Sans être obligé de toujours référer à eux autres. Parce qu'eux autres vont toujours te mettre le bois dans les roues pour t'amener justement à pouvoir faire ce mouvement-là, puis ce mouvement-là, puis ce mouvement-là, comme tu veux. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un équilibre qui se fait entre l'intelligence planétaire et l'intelligence cosmique. Parce que l'intelligence planétaire, c'est l'intelligence de l'homme. L'intelligence cosmique, c'est la lumière. Alors, l'homme, un jour, doit se servir de l'intelligence cosmique, et non l'intelligence cosmique se servir de l'homme. Mais elle se sert de l'homme tant que l'homme est spirituel. Tant que l'homme est spirituel, elle se sert de lui. Ton intelligence peut t'avoir dévoilé autant en disant comme intelligence. Ok, on va t'en parler de ça. Quand tu deviens intelligent, tu dois être capable de démolir toute intelligence. Puis ça, c'est le plus grand signe de l'intelligence cosmique sur la Terre. Puis c'est le plus grand signe de la perfection de l'intelligence planétaire de l'homme sur la Terre. Parce que l'intelligence, ça sert à rien. L'intelligence. Ça sert à rien, l'intelligence. C'est simplement le mouvement de l'énergie dans des circuits au niveau de notre cerveau. Pour empêcher que se démolisse l'univers. La seule raison pour laquelle existe l'intelligence dans l'univers, c'est pour qu'il empêche de se démolir. Retourner à la tombe. Si l'intelligence... Comment j'en fais à dire? Qu'est-ce que je disais, là? L'intelligence empêche que l'univers se démolisse parce que l'intelligence, c'est un principe. Puis tous les principes ont une fonction. Et le principe de la fonction du principe de l'intelligence, c'est toujours de mettre de plus en plus d'ordre, d'organiser de plus en plus solidement, d'harmoniser de plus en plus solidement pour que les unités à tous les niveaux de la constitution universelle puissent se rassembler. C'est ça qui donne la création, puis c'est ça qui permet éventuellement l'évolution, parce qu'il y a une dynamique là-dedans. Alors l'intelligence sert simplement à ça. Mais quand t'es homme et t'es centré, t'as pas besoin d'intelligence parce que tu es intelligent. C'est subtil ce que je dis là. Quand t'es intelligent, t'as pas besoin d'intelligence. Moi, si je descends ici, c'est de l'intelligence en action qui me fait descendre ici. Si je remonte ici, c'est de l'intelligence en action. J'ai pas besoin de savoir pourquoi est-ce que je descends et pourquoi est-ce que je remonte. Je peux le savoir pourquoi est-ce que je descends puis je remonte, mais ça ne servira pas à rien. Si tu me dis descends puis je descends, c'est parce que je t'écoute. Autrement dit, je me mets en harmonie avec ton intelligence. Puis si je fais ça, c'est parce que je t'écoute pas. Je suis en désharmonie avec ton intelligence. Mais comme je suis conscient, faut que je puisse servir la vibration de ton intelligence. Alors si je sers la vibration de ton intelligence, mais je descends. Si je ne sers pas la vibration de ton intelligence, moi dis, il n'y a pas d'ordre à me donner lui. Là, je ne sais pas la vibration de ton intelligence. C'est ça qui crée la destruction. Autrement dit, ça crée une rupture entre moi et toi. Ça crée un désordre entre moi et toi. Parce que ça crée de l'ego entre moi et toi. Ça crée de la personnalité entre moi et toi. Qu'est-ce que j'ai à part pour étudier le centre de ta chaise puis je descends? J'ai rien à part. Mais j'ai quelque chose à comprendre parce qu'il y a quelque chose que tu voulais m'expliquer dans ton intelligence. L'intelligence, ça doit servir l'homme. L'homme ne doit jamais être assoumis à l'intelligence. Mais notre problème, nous autres, c'est qu'on essaie de comprendre. C'est ça notre problème. Comment ça fonctionne au niveau de la planète? Est-ce que tu l'exemple que tu donnes là dans la génération? Comment est-ce que ça peut te faire encore? Ça a toujours existé de cette façon-là. Il y a toujours eu des conflits d'ego entre pays. Mais c'est pour ça qu'on a les situations mondiales qu'on a. Quand t'es des premiers ministres, des tu sais, comme Begin puis Sadat ou des gars qui se parlent puis disent parce qu'ils prennent des petits cafés ensemble, ces gars-là, ils se rencontrent. Et ensuite, Sadat s'en va chez eux, puis Begin, comment est-ce qu'il s'appelle? Begin. Begin, il dit, lui, c'est un sans. Il dit pas ça parce qu'il l'aime bien. Je te donne un exemple. Ils vont parler de Kadhafi, par exemple. Personne n'aime Kadhafi. Fait qu'ils vont dire Kadhafi, c'est un idiot. Ça, c'est sur le plan de l'intelligence humaine. Sur le plan de la personnalité, sur le plan de l'ego. Même toi, quand ça se rencontre, ces gars-là, ils sont prêts à se tuer, je comprends. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de respect pour leur intelligence. Les politiciens n'ont pas de respect pour leur intelligence, c'est pour ça que ça ne marche pas dans le monde. Si les politiciens avaient du respect pour leur intelligence, à ce moment-là, ça irait très bien. Les problèmes mondiaux, ça se résoudrait de même. Mais ils n'ont pas de respect pour leur intelligence parce qu'ils ont toutes des personnalités qui font que leur intelligence est toujours conditionnée par la valeur dont ils donnent à leur personnalité. Fait que, tu comprends, Reagan, le président des États-Unis, c'est le plus gros pays en surface, puis, ou en richesse, puis t'as un petit baveux qui vient de l'Ouganda. Fait que tu comprends, quand ça se rencontre, ces deux gars-là, hein? C'est plus de même. Pourtant, le gars d'Ouganda pourrait avoir des très bonnes idées, mais non, c'est de même. Tandis que quand l'homme devient cosmique, puis qu'il rencontre un homme qui est cosmique, le gars qui est cosmique, il peut pas dire, wow, c'est mon point de vue qui compte. Parce que là, les deux hommes sont obligés de s'écouter parler pour voir ce que l'intelligence en tant que principe a à expliquer pour l'organisation matérielle de la planète. Nouveau gouvernement, par exemple. C'est ça que les gens ne peuvent pas faire parce qu'ils sont inconscients. Sans ça, ça irait très bien sur la Terre. Mais pour en arriver à ça, ça prend une transmutation de la personnalité, ça prend une conscientisation de l'homme. Les gens respectent pas leur intelligence. On pense que l'intelligence, ça doit nous servir en tant qu'ego. Ça ne doit pas nous servir en tant qu'ego. L'intelligence, l'ego doit s'en servir. C'est une énergie dont lui doit s'en servir pour son bien-être. L'intelligence servira jamais l'ego. D'ailleurs, dans les cas de l'initiation de l'homme, ou ceux comme lui qui se fait dire qu'il est le Christ, puis l'antéchrist, tout déniaisé, c'est une preuve que l'intelligence n'est pas l'ego. C'est avec le temps que l'ego en arrive à être suffisamment intelligent, autrement dit démotivé, pour se servir de l'intelligence pour lui. Je voudrais même faire dire dans ma tête, moi que je suis le Christ, je dirais mange donc de la merde. Comprends-tu? Parce que je le sais que c'est de la niaiserie. Comment tu veux dire? C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut qu'on se serve de l'intelligence cosmique. Il ne faut pas que l'intelligence cosmique se serve de nous autres. Fait que tu comprends, quand on est spirituel et astral, puis qu'elle passe par le biais astral, on se fait chauder. Tu comprends? On communique. Fait que tu finis avec des gars comme Moïse dans le Nord qui dit « Ça va être la fin du monde dans 2 mois. » Au mois de février, ça va être la fin du monde. Il y a tout son petit groupe, là, puis il attend toute la fin du monde dans les cabanes dans le Nord, les cabanes de bois. La peau infinie, c'est la même chose. Ils ont toutes des patentes. Ils sont toutes poignées dans l'astral. Pourquoi? Parce qu'ils ne se servent pas de l'intelligence. Ils se font manipuler par l'intelligence. Moi, je dis au monde qu'on n'a rien à comprendre. Il y a bien des affaires à comprendre parce qu'il y a beaucoup de mécanique dans l'univers. Mais je dis au monde, on n'a rien à comprendre. Pour amener l'ego à comprendre que lui doit se servir de l'intelligence. Parce que quand tu es conscient, puis tu comprends. Je comprends. Je comprends-tu? Il dit, je comprends ce que j'ai à comprendre. Autrement dit, je me sers de mon intelligence. Fait que ça me permet de comprendre ce que j'ai à comprendre. J'ai pas à comprendre ce que j'ai pas à comprendre.